Épilogue 2. Le passé est mort, vive l'avenir. Miss Eden, après dîner, était passée dans son petit salon que nous connaissons. Avec elle se trouvaient les bons shippers et Darling. « Tu vois, ma chérie, » disait Miss Eden à sa fille, « que tout était plein de toi, ici, chez ta maman. Partout des portraits de My Darling, ses photographies, ses lettres, ses aquarelles. Tous les jours j'attendais My Darling. » « Moi aussi, tous les jours, j'attendais de voir ma maman chérie. « Enfin, je t'ai. Te voilà, tu es à moi. Oh, que nous devons remercier celui qui t'a reprise, qui t'a donné à moi, celui à qui nous devons ce bonheur. « Oui, maman. Oh, je l'aime bien, vraiment, beaucoup. » Le domestique indo-canadien annonça « Sœur Pauline Broquet. » Miss Eden dit à Darling « Tu vas pouvoir le lui dire toi-même. » Pauline Broquet entra, salua Miss Eden, les bons shippers, serra la main que le digne pasteur très cordialement lui tendait. Darling, très décidée, avait sauté des genoux de sa mère. Elle vint au détective. « Monsieur Pauline Broquet, lui dit-elle, c'est grâce à votre habileté, à votre courage, que vous m'avez donné ma maman et rendu à ma maman. J'ai demandé à ma chère maman de me permettre de vous donner un peu de mon cœur. Je peux donc vous dire que je vous aime grandement, autant qu'une petite fille reconnaissante peut le faire, et je serai heureuse de vous embrasser. » Pauline Broquet prit l'enfant dans ses bras, la souleva de terre et embrassa tendrement son front sur les cheveux d'or. Puis, l'heure où les bons shippers couchaient, la fillette sonna. « Maman, dit Darling, je voudrais que les heures de la nuit passent comme un vol d'oiseau pour arriver tout de suite à demain et vous revoir. » À Pauline Broquet dit encore, « Souvenez-vous que Darling vous aime tout à fait beaucoup. » Et elle se sauva, envoya des deux mains de grands baisers en même temps à sa mère et à Pauline Broquet. Quand ils se trouvèrent seuls, le détective et la plus belle des femmes de l'univers se regardèrent, se souriant, un peu gênés, ayant bien des choses à se dire, n'osant ni l'un ni l'autre rompre ce délicieux silence si plein de tendresse. Enfin, Miss Eden tendit les deux mains au détective. « Eh bien, cher ami, lui demanda-t-elle, j'ai éprouvé aujourd'hui une bien grande joie. Dites-la moi, pour que je sois heureuse avec vous. Pour donner la liberté aux bandits. À Zigomar. Nous pouvons prononcer ce nom. La liberté à Zigomar sans trahir ma mission. J'ai envoyé ma démission à mon chef. Il l'a refusé. Il a déchiré devant moi ma lettre. Gabriel Lamorce, interrogé par M. Baumier et M. Urbain, ont tout révélé. M. Baumier m'a dit, mon cher Broquet, vous avez bien fait. Et je vous eusse donné, moi, le conseil d'agir comme cela. Donc, votre conscience est libérée. Maintenant, sachez que j'ai encore besoin de vous. Je vous demande, en ami, de me continuer vos services. Votre tâche n'est point finie. Zigomar n'est pas mort, non. Le bandit. Dirait-il vrai quand il se proclame éternel? Vous l'avez cependant abattu d'un coup de revolver. Oui, mais il n'a été blessé qu'à la jambe. Je suis un maladroit. Non, fit Miss Eden, non. Il vaut mieux que vous l'ayez manqué. Il vaut mieux qu'une autre main l'abatte. Mais quelle main? La mienne. Pauline Broquet ne répondit pas. Il savait combien cette femme avait souffert à cause de cet homme, et il trouvait juste, en effet, que ce fut elle qui l'abattit, qui trouva la vengeance. Miss Eden, nerveuse, ardente, s'est élevée. « Ah ! Fit-elle, depuis que vous m'avez rendu Darling, depuis que nos cœurs ont parlé, le passé, ce passé de colère, de rage, est mort, bien mort. La vengeance seule existe, et je l'assouvirai. » Elle reprit. « Oui, le passé est mort, et regardez, mon ami, regardez ceci. » Elle releva la manche de son peignoir. Son bras était entouré, comme d'habitude, d'un large ruban de soie. Mais cette fois, sous le ruban, aucune armature de métal ne se trouvait. Du bout des doigts, Miss Eden défit le nœud qui retenait le ruban. Elle montra la place du bras que jamais personne n'avait pu voir, sauf Pauline Broquet. « Vous avez lu autrefois ce que cachait le bracelet d'or, le ruban, l'armature. Il y avait ceci. Tel jour, Miss Eden m'a aimé. Zigomar. C'était un infâme mensonge. Je n'ai jamais une seconde, ce misérable. Il faut que vous me croyiez et que vous me pardonniez la peine que je vais vous causer, mais il faut que vous entendiez cet aveu. Zigomar a cru que je possédais une fortune colossale, que j'étais l'héritière d'une vieille famille d'Europe, dont l'histoire est navrante. Je vous la dirai un jour. Zigomar m'a poursuivi, m'a obsédé de ses protestations d'amour, et comme je n'avais pour lui que mépris, il a commis la plus odieuse des lâchetés, il a soudoyé mes gens, m'a fait absorber un narcotique. Quand je sortis de la torpeur dans laquelle le narcotique m'avait plongé, je ne pouvais plus douter de mon malheur, le crime était gravé sur mon bras. Le ciel eut cependant pitié. Il me donna, comme fruit de cette infamie, Darling. Après son forfait, non seulement Zigomar ne parvenait pas à me forcer à céder à son dessein, mais il devait me fuir, parce que je voulais le tuer. Puis, avec mon enfant, j'ai erré en Amérique, cachant ma honte, et tout à ma fille. Zigomar alors vint me prendre Darling, ne voulait me la rendre que si je devenais sa femme, puis il la garda ensuite comme otage, pour se défendre contre vous. Maintenant vous connaissez le secret du bras mystérieux. Ce qu'il portait gravé en caractères ineffaçables désormais n'existe plus. Vous le voyez? Je porte à la place une plaie. Ce sont les coups de poignard que m'a donné Flore quand je défendais Darling. La plaie est horrible et c'est tant mieux. Quand elle sera guérie, la cicatrice remplacera les lettres du mensonge infâme et nous rappellera la dernière lutte pour notre bonheur. Vous le voyez, cher ami, le passé bien mort. Crions, vive l'avenir. L'avenir qui est à Dieu et qu'il nous donne. Paulin Broquet, grave, triste, sincèrement ému, répondit. Miss Eden, j'ai rempli mon devoir, mais comme l'a dit mon chef, ma tâche n'est pas finie, et j'assumais de nouvelles charges. Mon avenir à moi est d'être meilleur serviteur de la justice. Miss Eden regarda avec étonnement le détective et lui dit « Je vous ai fait entendre un mot qui vous disait qu'à côté du rôle de serviteur de la justice, vous pouviez avoir aussi comme homme la part de bonheur que vous méritez. Je vous ai dit, je vous aime. Nos cœurs depuis longtemps s'étaient compris, reconnus dignes l'un de l'autre. Ils ont échangé par nos lèvres le plus sacré des serments qui puissent lier deux âmes comme les nôtres. Pourquoi ne voulez-vous plus aujourd'hui de Miss Eden pour femme? Parce que je vous ai dit mon secret? Non. Le passé qui est mort vous appartient. Vous êtes à mes yeux non seulement la plus belle des femmes de l'univers, mais la plus noble, la plus digne. Vous êtes celle qui, en ses mains, tient le bonheur d'un homme, la seule femme qu'un homme aimera en sa vie. Et vivre auprès de vous eût été pour moi le plus grand bonheur, la joie la plus pure, la plus sacrée. Mais, cher ami, mais je ne puis goûter à cette félicité. Pourquoi? Parce que vous êtes riche et que moi je suis pauvre. Je suis un soldat de la justice, un simple détective. Vous qui vous cachez sous l'anonymat de Miss Eden, vous êtes princesse, fille des rois de Pologne. Vous êtes princesse Grigoriska. Miss Eden se dressa soudain en entendant ces mots. Quoi? S'écria-t-elle. Qui vous a dit? Comment savez-vous? Je suis chargée par le général Sobarov de vous remettre l'héritage de vos parents. Voici les titres. Voici les papiers qui vous envoient en possession de vos immenses biens, de vos millions. Paulin Broquet tendit à Miss Eden une volumineuse enveloppe. « Ça n'a pas été sans mal que j'ai pu vous découvrir. » Miss Eden prit cette enveloppe. « Mon cher ami, » dit-elle en souriant, « ceci prouve encore votre extraordinaire habileté. Mais ceci me permet de lever vos derniers scrupules. Je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche comme vous le croyez. J'ai la petite fortune qui me vient de mon père et que votre dignité pourra partager avec moi quand je serai votre femme. Écoutez-moi. » Après la mort, l'assassinat de son mari, la divine Johanna vint en France, la douce France, où les cœurs brisés trouvent la consolation, le repos. Amédéa, la fille, épousa un officier français. Mariage d'amour, nous fut bannie l'ignoble question d'argent. La divine Johanna, sachant qu'elle ne reviendrait en Pologne que pour dormir auprès de son mari adoré le sommeil éternel, et que la tombe des aïeux lui suffirait, donna aux pauvres paysans ses terres, qui constituait sa fortune. Elle laissa en legs aux hôpitaux les millions des Grigoriski qu'on pourrait retrouver. Pour moi, je n'ai que ce qui me vient de mon père, l'officier français mari d'Amédéa. Miss Eden sourit. Et c'est loin des millions des princes Grigoriski. Elle ajouta. Quant à ses titres, qui pourraient me faire entrer en possession de ses biens, de ses millions, voyez ce que j'en fais, puisqu'ils vous éloignent de moi. Je préfère être pauvre avec vous. Et elle jeta dans le feu de la cheminée la volumineuse enveloppe, qui ne tarda pas à se consumer, à disparaître entièrement. Alors seulement, Paulin Broquet ouvrit les bras. Miss Eden, rayonnante, s'y précipita pour entendre celui qu'elle adorait lui dire enfin « Je t'aime ». à ce moment des cris d'enfant emplirent d'effroi la maison. « Maman, maman, au secours !» Paulin Broquet, Miss Eden sursautèrent. Miss Eden voulut se précipiter au secours de sa fille, mais Paulin Broquet la retint. Un coup de sifflet perçant retentit. « Bon, » fit le détective, « Darling est en sûreté, c'est l'amorce qui la garde. » Il dit rapidement à Miss Eden, « Je savais que ce soir Zigomar voulait essayer un nouveau coup, contre vous. J'ai pris mes précautions, et maintenant Zigomar ne doit pas s'échapper. » Il se dirigea vers la porte. « Allez auprès de Darling, moi je cours sus au misérable. » Ce fut par la maison une poursuite folle. Zigomar déjoué, Fom Twig, qui le secondait, et quelques aides, ne cherchaient plus, maintenant que le coup était manqué, qu'à fuir. Il y eut bataille. Quelques coups de poignard et de casse-tête furent échangés. Le revolver crépita. Paulin Broquet, à un moment donné, courant après un homme dont, dans la pénombre, il avait reconnu la cagoule de soie rouge et qu'il savait être Zigomar, se trouva sur le perron du pavillon de cristal. L'homme à la cagoule rouge passa dans l'allée centrale de la serre. Il aperçut le détective qui le poursuivait, et tout en fuyant, se cachant derrière les arbres, les caisses de palmiers aux branches desquelles pendaient les serpents corail, il déchargea sur lui son revolver. Paulin Broquet ne pouvait tirer, mais il courait, espérant s'emparer du fuyard, de Zigomar. Le bandit, ayant assez d'avance, put gagner la porte de cristal donnant sur le parc. Le détective y arrivait quelques secondes après. Zigomar, fuyant, offrait dans la grande allée une cible admirable. Paulin Broquet alors le mit en joue. Mais à ce moment, une main se posa sur son bras et l'empêcha de tirer. « Pas toi, » lui dit Miss Eden. Tu ne peux tuer le père de celle qui sera ton enfant. Mais moi, je dois punir mon bourreau, le bourreau de Darling. » Miss Eden, alors, étendit le bras, elle fit feu. Un cri de douleur répondit au coup de feu, et Zigomar s'abattit sur le sable de l'allée. Sa cagoule faisait sur le blanc du sable comme une énorme tache rouge. Quand on accourut quelques minutes plus tard, on trouva sur le sable une grande traînée de sang. La marque rouge allait à gauche, elle remontait vers la droite, puis partait encore à gauche, vers la grille de fer. Elle formait comme un grand Z de sang, la sinistre signature. Était-ce la signature finale de Zigomar ? Laissons-le, dit Miss Eden. Ne vivons plus que pour Darling, pour nous. Ami, je t'aime et je suis à toi. Jusque à la vie, dit Paulin Broquet. À la mort, répondit la femme rousse. Ainsi s'achève My Darling, troisième partie de La Femme Rousse, livre sixième, de Zigomar, par Léon Sazy.